Kitabun, très bien. Un bureau. Maktabun, très bien. Et un lit. Sarirun. Et la clé. Miftahun. Très bien, inchallah. On commence le cours. Tamarin, qu'est-ce que ça veut dire, Tamarin? Exercice. Taïb. Tamarin, regardez à qui je demande. Hein. Allah ybarak. Tamarin, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Exercice. Taïb. C'était les mots. Tamarin. Non. La ta. Voilà, Tamarin. Tamarin. Taïb. Hein? Non, lui, pourtant. Inch'Allah. Allah ybarak fik. Taïb. On s'est arrêté où? À Mena. Non, non, non, il n'y a pas de mal. Barakallahu fikoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait trois fois. Et Inch'Allah, on patiente. Hein? Allah ybarak fikoum. Taïb, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Men hada. Taïb. Le men ici, ça, c'est la même chose que quoi? Barakallahu fikoum. Ça ressemble au dars d'hier. Hein? يستفهم بها عن شخص عاقل. On utilise la particule men pourquoi? Pourquoi? Pour s'interroger sur une personne, ça veut dire quoi? Qui raisonne. Men hada, hada Abd Karim. Men hada, hada Marwan. C'est à partir du moment où vous allez utiliser le men, c'est que vous utilisez, ça veut dire quoi? Vous interrogez sur une personne qui raisonne. Il ne faudra pas dire men hada et tu diras hada kitabun. Men hada, hada kalbun. Ça c'est faux. Hada khata. C'est compris ça? C'est bien compris, Inch'Allah? Oui. Et men, ce serait quoi? En traduction, qui? Le fond? Et hada, on l'a vu hier, c'était quoi? Si je dis par exemple men hada, qui êtes-vous? En français, ça ferait ça. Le fond, Inch'Allah? C'est compris ça, ça va? Abdel Mohamed? Wavi? Tout le monde a bien compris ça, Inch'Allah? C'est le même dars qu'hier, mais sauf la différence entre les deux, c'est quoi? Al-farq baynahuma? Ma li ghir aqil wa men? L'aql. C'est-à-dire, il y a deux mots à prendre. Là. Il y a aql et ghir aql. Inch'Allah, c'est ça, c'est dans le tableau. Hein. Si vous cherchez bien, vous trouverez après. On l'avait vu hier avec le frère Taïb. On lit, Inch'Allah. Bismillah, à voix haute, hein, pour tout le monde entendre. Man hada. Au suivant, suivant. Chacun lit une ligne. Hada, tabib. من هذا طبيب أفوت كم ساعة كل من قفي هذا طبيب ها مش ما بقى vous lisez là طبيب من هذا vous avez fait هذا طبيب ها طيب après là de droite à gauche طيب t'as lu où là عبد الكريم voilà من هذا et le frère d'après il répond voilà. Sur son livre, c'est où? Voilà. À voix haute, hein, Saber. À voix haute pour j'entendre. Mahada, ouais. Très bien, mashallah, c'est bien. Au suivant. À voix haute, hein. Non, c'est pas Mahada. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, men hada, pas ada. Voilà. Hada. Ouais, vas-y. Il y a écrit Rajulun, toi? Regarde bien. Où est le ra là? Comment t'as pu citer un ra là? Là. Tajirun. Tajirun. Qu'est-ce que ça veut dire Tajir? Commerçant. Taïb? Commerçant. Au suivant? Très bien. Au suivant? Naam. Ahada kalbun, la hada qitun. Qit, ça veut dire quoi? Chat. C'est un chat, et le calme, tout le monde le connaît. Hada himarun. À voix haute, les frères. Hein. Hada himarun. Naam, hada himarun. Anan. La hada hisanun. Là, il a dit hada himarun. Suivez bien, les frères. C'est pour ça, je vous demande, lisez à voix haute pour que tout le monde entende. Voilà. Allez, bismillah, les frères. Il a lu ça, le frère. Toi, t'es là. Hada himarun. T'as entendu? À voix haute, les frères. Ahada himarun. Ahada himarun. La hada